10h55, c'est votre blockbuster et ce matin, Frédéric, vous voulez rendre vous aussi un hommage. Oui, Laetitia, ce matin, je vais faire comme Clément Pétraud quand il nous parle du Parti Socialiste ou comme Anthony Bélanger quand il nous parle des opposants politiques de Vladimir Poutine. Je vais vous parler de ceux qui nous ont quittés. George Pérez et Neil Adams. Alors évidemment, vous Laetitia, vous savez immédiatement de qui je parle, car vous aimez la bande dessinée. Hein, vous ne faites pas partie de ces individus qui me donnent envie de me noyer dans une moussaka pas fraîche, qui me disent quand j'aborde le sujet « Oh, moi la bande dessinée, j'ai jamais pu, je sais pas du tout dans quel sens ça se lit ou par quel cas se commencer. » C'est de la bande dessinée, c'est pas de la physique quantique. On n'est pas en train de te demander de séquencer le génome humain, on te demande de lire de la BD. Dis-moi que t'aimes pas, ça j'entends tout à fait, mais me dis pas que c'est dur à comprendre. Moi, la playlist de France Inter, je dis « j'aime pas ». Je dis pas « petit biscuit, trois cafés gourmands, Bertrand Belin et tout le rayon confiserie, je sais pas vraiment par quelle chanson commencer ». Donc George Pérez et Neil Adams sont deux dessinateurs de comic book parmi les plus influents qui viennent malheureusement de nous quitter coup sur coup. Pour bien mesurer leur importance, c'est comme si musicalement on avait perdu John Lennon et David Bowie à 15 jours d'intervalle. Alors beaucoup ignorent en France qui étaient ces deux hommes, mais savent qui est Jean-Marc Morandini, hein, ce qui me désole. Et pourtant, leur travail est à l'origine de nombreux succès cinématographiques hollywoodiens qui ont rapporté des milliards de dollars dont ils n'ont jamais vu le début de l'ombre du commencement de la couleur. C'est particulièrement vrai pour George Pérez qui a commencé à dessiner dès l'enfance et qui a fait ça toute sa vie, chez quasiment tous les éditeurs de bandes dessinées américaines. C'est bien simple, sans l'apport de George Pérez, ni la saga de Thanos dans les Avengers, ni le film Wonder Woman n'auraient eu le même visage. Le claquement de doigts de Thanos qui a fait disparaître la moitié de l'univers, c'est lui qui l'a dessiné. Wonder Woman et l'héritage de la mythologie grecque sur son île des Amazones, c'est lui qui l'a dessiné. La notion d'univers parallèle en péril qui fait les beaux jours du dernier Doctor Strange, c'est aussi lui qui fut le premier à mettre ça en image dans une bande dessinée culte de DC Comics, Crisis on Infinite Earth. George Pérez a tout dessiné parce qu'il savait tout dessiner. Des centaines de personnages aux morphologies différentes, couleurs différentes, genres différents, dans des cases hyper chiadées et toujours lisibles. Des pages d'une puissance telle que tu les oublieras jamais de ta vie. Je me souviens encore quand j'ai lu le défi de Thanos, j'en ai eu des frissons. George Pérez, c'était le plafond de la chapelle Sixtine en bande dessinée, tous les mois entre tes mains pour 2 dollars. Il est même le seul dessinateur à avoir mis en image le crossover ultime Justice League Avengers, qui voyait les super-héros de DC Comics, je vous rappelle Superman, Batman, Wonder Woman, affronter, puis s'allier aux Avengers, bien entendu, hein, c'est la règle. Les super-héros, c'est comme la présidentielle, au premier tour on se bat, et en cas de deuxième tour, on fait bien évidemment barrage aux super-vilains. Et ben, c'est la seule fois où ces deux éditeurs ont accepté d'enterrer la hache de guerre pour un projet commun. Vous voyez l'union de la gauche ? Et ben, c'est plus facile à faire que faire travailler ensemble Marvel et DC Comics. À Hollywood, c'est sûr, il y a des actionnaires, ils ont des orgasmes de bitcoins rien qu'en imaginant de pouvoir faire ça sur grand écran. Tapez le nom de George Pérez dans un moteur de recherche et vous allez tomber sur un petit chauve et barbu jovial avec des chemises colorées, Robert Rue avec les chemises de Magnum. George Pérez est mort la semaine dernière d'un cancer du pancréas à l'âge de 67 ans. Comme Neil Adams, ils ont passé leur vie sur une planche à dessin à ne faire rien d'autre que de donner du plaisir à des millions de lecteurs sur la planète. Ils étaient cet élève du fond de la classe qui dessine toujours avec un sourire aux lèvres parce qu'il n'a pas forcément envie de passer sa vie à faire de la comptabilité. Ces dessinateurs n'ont exploité personne, ont été les premiers surpris de voir ce que leur travail générait aujourd'hui. Et la moindre des choses, si vous avez apprécié ces films, ces grosses pompes afriques que j'aime tant, hein, c'est d'aller dans une librairie, demander une de leurs nombreuses bandes dessinées et se rendre compte que la vraie magie, ça n'a jamais été des acteurs sur des fonds verts, pas des effets spéciaux hors de prix ou une campagne marketing. La vraie magie du comic book, elle est là. Des hommes et des femmes maigrement payés face à une planche à dessin, tout simplement. Blockbuster, merci Frédéric Sigrist. Un mot de Blockbuster, le podcast qui vient de sortir. Oui, cette semaine c'est South Park. Alors là, il y a plein de gros mots, de l'irrévérence, mais aussi de la satire politique. Merci beaucoup Frédéric Sigrist.